Les chasseurs de nazis. Chapitre 3, les précurseurs. Deuxième épisode. Son nom vous dit forcément quelque chose. Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal est le premier chasseur nazi de l'histoire. C'est le plus connu aussi. Bien plus connu que son contemporain Tuvia Friedman, qui œuvra dans l'ombre et qui ne fit jamais la une des journaux télévisés. Peut-être parce que Simon Wiesenthal n'avait pas son pareil pour raconter son histoire, à commencer par son séjour dans les camps de concentration. J'ai conservé un souvenir très précis de mon arrivée au camp de Mauthausen en Autriche. C'était l'hiver, en pleine nuit. Nous arrivions de Buchenwald, trempés, gelés. Nous avons fait 5 kilomètres à pied dans 1 mètre de neige. La SS abattait ceux des prisonniers qui n'avaient plus la force d'avancer. Tout près de l'entrée du camp, j'ai fini par m'écrouler moi-même à bout de force. Avec un vieux compagnon de route, je me suis allongé dans la neige et nous avons attendu la mort. En passant sur la route, un garde SS nous a lancé. Vous êtes vivant ou vous êtes crevé? Nous étions trop affaiblis pour répondre, alors il nous a tiré dessus. La balle est venue se loger entre nos 2 corps dans la neige. Lorsque je me suis réveillé, on était en train de décharger nos corps devant l'entrée du four crématoire. Puis, nous avons passé un examen médical, à la suite duquel j'ai été envoyé dans la section du camp qu'on appelait le réduit de la mort. Là, nous ne recevions que 200 calories par jour, moins que n'aurait coûté la balle nécessaire pour nous abattre. C'est sur cette étude de rentabilité comparative que l'on avait basé notre traitement. Chaque matin, un garde SS se contentait d'ouvrir la porte de nos baraques pour demander le nombre de ceux morts pendant la nuit. Quant à moi, j'ai voulu témoigner d'une façon ou d'une autre, et comme je n'avais pas le droit d'écrire, j'ai décidé de faire des dessins. Je recollais des bouts de papier que je ramassais par-ci par-là dans la cour. Je voulais que quelque chose de mon expérience subsiste après ma mort. À maintes reprises, on nous amenait des détenus qui s'étaient effondrés à bout de force dans les carrières du camp. Ces carrières qui ont été le lieu du meurtre de centaines de juifs précipités du haut de cette falaise, pour l'amusement des gardes nazis qui surnommaient leurs victimes en se moquant d'elles les parachutistes. Dans le réduit de la mort au mois d'avril, la faim était devenue atroce et nous mangions l'herbe dans la cour. Dans la nuit, nous menions de longues conversations qui aboutissaient à condamner l'humanité entière, pas seulement les Allemands. Nous avions rompu toutes les attaches avec un monde qui ne voulait plus de nous. Nous ne croyons plus au progrès, à la justice, à rien. Pourtant, le 5 mai 1945, à 10 heures du matin, nous avons vu venir vers nous les premiers chars d'assaut américains. Ils nous ont amené de la nourriture, une nourriture bien trop riche pour nous. Moi, je pesais 44 kilos pour une taille de 1,80 m. Le jour suivant, j'ai comparu devant la commission américaine des crimes de guerre qui enquêtait dans le camp. 2 camarades m'ont amené devant cette commission pour témoigner contre un capot qui m'avait battu. Lorsque je suis rentré au baraquement, je suis resté couché sur le dos pendant 2 jours et j'ai réfléchi. Je suis retourné voir les gens de la commission et je leur ai dit « Vous m'avez libéré, vous m'avez rendu à la vie, mais je n'ai pas d'emprise sur cette vie, je ne trouve pas de contenu à lui donner. Je ne peux pas rentrer en Pologne, la Pologne pour moi c'est un cimetière. » Alors, je voudrais, pendant quelque temps encore, vivre pour les morts. Non pas seulement pour eux, mais aussi pour une foi dans la justice des hommes. Car sans cette foi, ni moi, ni mes camarades ne pourront jamais nous réintégrer à une vie normale. Puis le camp de Mauthausen fut remis aux Russes, car ils se trouvaient dans leur zone. Je suis parti, toujours avec la commission d'enquête américaine, et nous nous sommes installés à Linz, petite ville autrichienne. Le hasard a voulu que notre bureau fût voisin de la maison qu'habitait la famille Eichmann. À cette époque, je ne savais même pas qui était Eichmann. Mais quelques mois plus tard, je l'ai su, et j'ai commencé à m'en occuper. La famille a accepté, sa fille a accepté de me donner une clé de son appartement. Et je n'y vivais pas vraiment, mais je m'y rendais tous les matins à Vienne. Pendant plusieurs mois, j'avais la clé. Et j'étais là, tout seul, avec ses dossiers. Ça fichait un peu la trouille, la manière dont il vivait, avec tous ces criminels nazis qui vous regardaient depuis les étagères. En 2010, paraît en Israël la biographie du célèbre chasseur de nazis. Son titre en français, c'est « L'homme qui refusait d'oublier ». Mais le titre original est plus pertinent pour rendre compte de son action. « La vie et les légendes de Simon Wiesenthal ». Son auteur, l'historien israélien Tom Segev, nous reçoit à Jérusalem. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant sont ses archives personnelles, qui étaient là aussi, parfaitement en ordre, méticuleusement classées. J'ai lu toute sa vie et j'ai trouvé... Et j'y ai découvert beaucoup de choses intéressantes qui ne sont pas uniquement liées à sa vie en tant que chasseur de nazis. I got really interested in the question, why do Holocaust survivors have the need to... Une question m'obsédait. Pourquoi les survivants de la Shoah ont-ils besoin de dramatiser à l'excès leurs expériences ? Et tout particulièrement les circonstances de leur sauvetage. Par exemple, Wiesenthal était passé par 5 camps de concentration, c'est documenté. Mais au fil des années, c'est devenu 7 camps, puis 9. Et finalement, un livre est sorti aux États-Unis dont il a fait la promotion et qui affirme qu'il a été prisonnier dans plus d'une douzaine de camps de concentration. 5, ça suffit. Pourquoi en faut-il 12? Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, mais c'est vraiment intéressant. Ce besoin de... Je crois que cela a à voir avec quelque chose qu'on appelle parfois la noblesse de la souffrance. Plus vous avez souffert, plus votre place est élevée parmi les survivants. Et l'autre chose, ce sont les circonstances dans lesquelles vous avez été sauvé. Apparemment, il est très difficile pour quelqu'un qui a traversé des souffrances aussi horribles. C'est très difficile de reconnaître qu'il a juste été épargné. Rien de plus, ça ne veut rien dire. Il aurait pu mourir, il est vivant. C'est tout. Mais lui avait besoin de donner un sens presque mystique, religieux, miraculeux à son sauvetage. Wiesenthal racontait comme ça des tas d'histoires sur sa libération, mais aucune n'était vraie. Est-ce que Simon Wiesenthal a choisi de vivre pour les morts ou pour les vivants? He had a very strong humanistic tendency in his attitude to the Holocaust. You know that Holocaust. Il avait un côté très humaniste dans son attitude par rapport à la Shoah. Are divided into that the national. Vous savez qu'il y a deux versants dans les enseignements de la Shoah. Vous avez la version israélienne nationale. On peut être encore plus nationaliste, exclamer plus jamais ça, et Israël doit être fort, etc. Et puis vous avez une autre version, plus universelle et humaniste, des leçons de la Shoah. C'est celle qu'a sincèrement adoptée Wiesenthal. Comme vous le savez, il n'a jamais émigré en Israël. Il a travaillé quelques années avec le Mossad, mais ne s'est jamais considéré comme israélien. Il avait une attitude universaliste par rapport à la Shoah, dans la tradition humaniste juive. Et oui, il œuvrait pour les vivants. Il espérait que tous les pays et les sociétés tirent des leçons de l'Holocauste, des leçons humanistes. Ce que ne font pas suffisamment les Israéliens, à mon avis. C'est quelque chose que j'ai apprécié, qui m'a plu. Il parlait beaucoup des morts, certes, mais il a essayé de contribuer à l'amélioration du monde. À demain, pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.